le futur n'est pas la vie, juste maintenant. Tu m'élèves vers la fabrique de nuages. Je rejoins ma féminité. Une poche